tambour, trompette et alali, le 11 septembre dernier, l'humanité entière était sur le point de découvrir une planète habitable, voire habitée, suite à la publication de deux études consacrées à l'analyse de l'atmosphère de K2-18b atmosphère, où de la vapeur d'eau a été détectée pour une planète située, figurez-vous, dans la zone d'habitabilité, voire dans la zone habitée. L'emballement médiatique passé, le nuage de brume dissipé, il est temps de s'intéresser à cette prouesse scientifique que représente la détection de vapeur d'eau sur l'une de ces exoplanètes si fréquentes dans le cosmos et pourtant inexistantes dans notre système, les super-Terres. K2-18b, haut en vue, c'est le programme un peu survendu qui est le nôtre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et voilà, pour comprendre pourquoi ces études ont mis le feu aux poudres à tel point que ce brouhaha médiatique a fini par faire oublier bien la prouesse technique que représente cette détection de traces d'eau atmosphérique sur une exoplanète en zone dite d'habitabilité. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Franck Celsis, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux et Alain Lecavalier des Étangs, bonjour. Bonjour. Directeur de recherche CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris. Mais avant de partir donc à 110 années-lumière de la Terre, nous restons encore quelques minutes sur notre belle et vieille planète pour prendre les dernières nouvelles de la recherche dans le journal des sciences de Natacha Trioux. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec une étude parue dans Nature Communication. Pour résister aux antibiotiques, les bactéries peuvent changer de forme. On parle souvent de l'antibiorésistance dans ce journal, mais c'est qu'elle est considérée par l'OMS comme l'une des grandes menaces sanitaires de notre époque et qu'elle cause environ 700 000 décès par an. Alors pour mieux comprendre ces mécanismes, les chercheurs de l'université de Newcastle se sont intéressés à des bactéries liées aux infections urinaires, les colibacilles et les entérocoques. Dans des échantillons d'urine, dans des boîtes de pétri, on observe que lors du passage des antibiotiques, ces bactéries changent de forme. Elles se transforment en L et elles perdent leur paroi cellulaire. Cette paroi cellulaire, c'est précisément ce que ciblent les antibiotiques. La bactérie devient donc indétectable. Et autre point, ces bactéries sont capables de survivre dans l'organisme. 5 heures plus tard, elles récupèrent leur paroi cellulaire et leur forme initiale, ce qui pourrait expliquer les récidives. Pascal Cossard est académicienne et spécialiste en microbiologie cellulaire à l'Institut Pasteur. Pour elle, cette étude ouvre de nouvelles pistes de recherche thérapeutiques. Ce qui est surtout d'important, c'est premièrement, il montre ça dans le cas des infections urinaires qui sont très connues pour être récurrentes. Et donc, en fait, ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'il montre que dans l'urine, il trouve de ces formes de L, il réussit à les isoler, à les recultiver. Là, en fait, il veut montrer qu'on a affaire avec vraiment une forme qui est réversible. Ça, c'est ce qui est vraiment bien dans son étude, et réversible in vivo, quoi. C'est ça qui est intéressant. Les mécanismes de résistance aux antibiotiques sont, dans la plupart du cas, acquises par des transferts de gènes horizontaux. Là, on a autre chose. On a une bactérie, en gros, qui, en présence de l'antibiotique, a sa paroi qui disparaît. Et donc, ces bactéries ne sont plus sensibles à l'antibiotique en question. Ça montre que ce qui est vrai pour les bactéries pour lesquelles il l'a montré, que un antibiotique qui va faire que le cell wall, la paroi, n'est plus une cible, bon, ça veut dire que c'est vrai aussi pour d'autres bactéries. C'est surtout ça, moi, que je trouve. C'est que maintenant, il faut qu'il généralise ça à d'autres bactéries. Parce qu'à la fin de son article, ce qu'il dit, c'est que, normalement, ce genre de bactéries, on utilise des antibiotiques qui vont contre la paroi cellulaire. Et là, il faudrait coupler ça avec un autre type d'antibiotique qui tue autre chose, quoi. En fait, c'est ça. Voilà, Pascal Cossard, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Vous pouvez, comme chaque jour, retrouver les liens vers les études originales dont il est question dans le journal des sciences ainsi que dans tout le reste de l'émission en vous abonnant à notre fil Twitter @laméthodefc. Et on passe au bref. C'est aujourd'hui le lancement d'Octobre Rose, le mois de prévention du cancer du sein. L'opération vise à récolter des fonds pour la recherche, mais aussi à sensibiliser le grand public. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent et le plus mortel chez les femmes. Chaque année en France, on diagnostique 58 000 nouveaux cas. C'est une femme sur 8 et il cause 12 000 décès. Alors, 3 cancers du sein sur 4 sont guéris et ce qui fait reculer le nombre de décès, c'est le dépistage précoce. Ce n'est pas inutile de le rappeler, le dépistage pour les femmes de 50 à 74 ans est totalement gratuit. De prépublications sur le site Archive apportent déjà de nouvelles informations sur 2I Borisov, la première comète interstellaire qui traverse en ce moment notre système solaire. Il y a une première étude à paraître dans The Astrophysical Journal. Avec les données du télescope William Herschel de Palma, une équipe internationale a analysé les spectres du gaz libéré dans la queue de la comète. On observe une première molécule du gaz de cyanure, le CN, qui est lié au cyanure d'hydrogène. Donc pour l'instant, la composition chimique de 2I Borisov est tout à fait ordinaire. Ce sont des molécules que l'on trouve dans les comètes de notre système solaire. Et dans un second pré-papier, une équipe polonaise fait des hypothèses sur l'origine de cette comète. Ils ont modélisé son mouvement, celui du Soleil et de 647 systèmes stellaires. Selon eux, 2I Borisov viendrait de Kruger 60, une étoile binaire de la constellation de Céphée, à environ 13,15 années-lumière de la Terre. Et toujours sur Archive, deux astrophysiciens avancent une nouvelle théorie, l'hypothèse de la planète 9 qui pourrait en fait être un trou noir, Natacha. Depuis 2014, dans la ceinture de Kuiper, derrière Neptune, on observe des objets dont l'orbite est déviée. Pour expliquer ces anomalies gravitationnelles, l'hypothèse de départ, c'est qu'il y aurait dans notre système solaire une neuvième planète que nous n'aurions pas encore détectée. Sa masse est estimée entre 5 à 15 fois la masse de la Terre. Ces chercheurs américains avancent que cela pourrait être la masse d'un petit trou noir, un trou noir primordial de 9 cm de diamètre, aussi gros qu'une boule de bowling. Jusqu'à présent, pour tenter de détecter cette planète 9, on n'utilise que des instruments d'optique et infrarouge. Les auteurs suggèrent d'observer cette zone au moyen de rayons X et des rayons gamma. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences, peut-être messieurs, puisqu'on entend beaucoup de nouvelles d'astrophysique dans ce journal, une réaction sur cette hypothèse, moi que je trouve assez séduisante, d'un petit trou noir primordial en lieu et place de cette planète 9, Franck Celsis. Disons qu'on a l'impression qu'il y a une masse qui perturbe les objets de la ceinture de Kuiper, les planètes naines, les Plutons si vous voulez, qui sont plus loin que Pluton. Alors après, la nature de cette masse, étant donné qu'elle fait, si elle existe, entre 6 et 15 masses terrestres, on a tendance à penser à une planète, un Neptune, un Uranus. Pourquoi pas imaginer que c'est un trou noir? Ça aurait le même effet. Après, ça pose des problèmes, parce que les trous noirs, tels qu'on les imagine généralement, ils sont des résidus d'étoiles, donc dans des masses bien supérieures. Pour avoir un trou noir qui fait une masse planétaire, il faut que ce soit un trou noir primordial, donc né lors du Big Bang. C'est une hypothèse basée sur pas grand-chose, à part le fait que certains suppose que ça pourrait expliquer, par exemple, la masse manquante, la matière noire. Après, si on détecte pas la planète 9, mais qu'on sait qu'elle est là, alors peut-être qu'on pourra en déduire que c'est un petit trou noir. Alain, le cavalier des étangs. Oui, en fait, quand même, l'hypothèse la plus naturelle, c'est d'imaginer l'existence d'une planète tout à fait normale, en quelque sorte. Et bon, c'est toujours intéressant d'explorer des idées très originales, très exotiques. Le trou noir est un des objets les plus exotiques que l'on puisse imaginer dans l'univers. À titre personnel, je suis quand même plus sensible à l'idée d'une planète, mais qui serait extrêmement intéressante parce qu'elle est très loin. Elle ferait entre 5 et 15 masses terrestres. Même avec les modèles de formation des planètes, c'est quand même pas simple de former une planète de cette masse à cette distance. Enfin, elle peut être formée à l'intérieur et être éjectée par la suite. Mais c'est quand même pas si simple. Le trou noir a l'avantage de résoudre cette question. On peut faire un point aussi avec les planètes exoplanètes dans les systèmes extrasolaires. Si cette planète 9 existe, qu'elle a entre 5 et 15 masses solaires, 15 masses terrestres. Excusez-moi. Beaucoup, sinon, ouais. Dans ce cas-là, elle serait dans une gamme de masses qui n'existe pas par ailleurs dans les planètes du système solaire connu aujourd'hui et qui est dans les gammes de masses des planètes que l'on observe autour d'autres étoiles. Et là, c'est extrêmement intéressant. Et notamment de si elle est à 15. Sauf si elle est à 15, ce qui est bon. Oui. Bon, néanmoins, ça nous permet de revenir à notre sujet du jour, puisque, je le disais tout à l'heure, le 11 septembre 2019 restera dans la mémoire collective comme la date où la civilisation humaine a failli trouver pour la première fois la trace d'une civilisation extraterrestre. Pas vraiment, en fait, mais je dis ça parce que suite à la publication de deux études qui concernent la présence de vapeur d'eau dans l'atmosphère, donc d'une exoplanète, K2-18b, située dans la zone d'habitabilité de son étoile, eh bien, il faut dire, il faut avouer que la sphère médiatique s'est un peu emballé, et c'est un euphémisme, et il faut bien l'avouer, nostra culpa maxima, nous n'avons pas échappé à la règle de l'emballement collectif, comme en témoigne ce titre de journal. Bonjour à tous. Au sommaire ce matin, une découverte qui affole les astronomes, des signes de vie détectés en dehors de notre système solaire à des années-lumière de la Terre. Voilà, des signes de vie carrément, alors c'est suivi par un lancement de sujet qui est un peu plus modéré, mais pas non plus complètement. Et l'on commence avec cette question vertigineuse. Sébastien, la Terre est-elle unique? Eh bien, peut-être pas. Une autre planète très lointaine remplirait peut-être les conditions pour développer certaines formes de vie extraterrestres. C'est la découverte qu'ont fait des astronomes britanniques. Cela fait des années que les scientifiques recherchent des signes de vie en dehors de notre système solaire. Ils explorent ce qu'on appelle les exoplanètes. Ils viennent d'en identifier une particulièrement prometteuse. Elle répond au doux nom de Kepler-2-18b. Distante de plus d'un million de milliards de kilomètres de la Terre et autour de laquelle le vieux télescope Hubble a pu détecter de la vapeur d'eau. Voilà, précisons qu'il s'ensuit un reportage qui relativise énormément cet enthousiasme de notre camarade présentateur, mais c'est vrai qu'on a tellement envie parfois de voir de la vie ailleurs dans l'espace qu'on va un peu plus vite que la musique. Comment vous expliquez cet emballement qui est vrai à Radio France, mais qui a été vrai dans plein de médias qui se sont emparés, qui ont complètement déformé cette découverte? Alain Le Cavalier des Étangs. En fait, l'emballement, cet emballement, c'est pas la première fois qu'on le voit. Je vais vous raconter une anecdote. C'était en avril 2007, vous voyez, déjà il y a 12 ans. Et on venait de découvrir la planète qui s'appelle GJ581C. Donc Franck Celsis doit probablement se rappeler. À l'occasion de cette découverte, c'était une des premières découvertes d'une planète de masse qui pouvait laisser supposer qu'il s'agissait d'une planète rocheuse et qui était à la bonne distance de son étoile pour éventuellement être dans la zone habitable, c'est-à-dire la distance à laquelle il faut se situer de son étoile pour avoir de l'eau liquide. C'était en avril 2007, donc découverte. On ne sait rien de cette planète, hein. On ne connaît que sa masse, même la limite inférieure de sa masse, pour être réaliste. On sait qu'elle est à la bonne distance de son étoile, mais pas plus. Et il y a eu un communiqué, une publication scientifique, et les communiqués... reprise des communiqués par les journalistes, etc. Et l'anecdote est la suivante. Il y a eu l'annonce, moi je revois la publication dans mon bureau à l'Institut d'astrophysique de Paris, et je rentre chez moi le soir. Et mon épouse me dit « Ah, j'ai entendu sur France Info !» Encore des collègues de Radio France. Qu'on salue au passage. Oui. « J'ai entendu sur France Info, vous avez découvert une planète qui est rocheuse, qui a de l'eau liquide et même peut-être la vie. » Vous voyez, il y a 12 ans, c'est déjà arrivé. Mmh. Et depuis, je montre systématiquement dans mes conférences grand public ce cas d'école pour expliquer au public de comprendre l'information réelle qu'il y a à avoir à travers l'information qui est donnée. Et en fait, l'analyse de ce cas d'école et d'autres cas qui se sont produits depuis lors, hein, et c'est pas le premier ni le dernier, celui que vous mentionnez aujourd'hui, l'analyse me laisse penser que finalement tout le monde porte une porte de responsabilité. Il y a trois étapes, en fait, dans ce genre de communication. La première étape, c'est l'étape du scientifique, qui analyse des observations, produit un résultat scientifique. Et le scientifique, il n'est pas tout blanc comme neige, et il aime bien qu'on parle de ses résultats. Mmh. Il est satisfait de voir que ce qu'il a obtenu, qui l'enthousiasme, évidemment, c'est normal. Et il aime bien qu'on parle de ce qu'il a fait. Et donc, il en présente une version... La plus flatteuse, voilà, la plus présentable et la plus intéressante, la plus aguichante, on va dire. Et il la présente aux organismes qui sont chargés de rédiger les communiqués de presse. Deuxième étape. Et j'ai déjà eu affaire nombreuses fois à la NASA qui rédige des communiqués de presse lors d'observations faites avec le télescope Hubble, par exemple. Et là, le chargé de la presse, il faut qu'il convainque ses chefs qu'il va faire un communiqué avec le résultat. Et pour convaincre qu'il va avoir un résultat très intéressant, Il demande aux scientifiques de gonfler au maximum le résultat. Et lui, après, quand il le présente en conférence de rédaction, on va décider de faire un communiqué de presse, il le gonfle encore un petit peu. Et à la fin, il y a un communiqué de presse où on gonfle à nouveau. Et après, il y a les journalistes qui lisent le communiqué, qui veulent convaincre leur rédaction de faire un article avec ou une communication. Et on gonfle, et à toutes les étapes. Et à la fin, on arrive à quelque chose qui est très loin de la réalité. Et qui a été très surgonflé au sens propre du terme. Franck Salcis, juste un mot sur cet emballement un peu systématique, parce que oui, le cavalier a raison. Alors systématique, on a toute une histoire d'annonces de détection de la vie, notamment sur Mars, depuis la fin du 19e siècle, jusque à la fameuse nanobactérie en 1996, jusqu'au méthane, etc. Donc on se projette très facilement dans les astres et... le système solaire nous apparaissant maintenant comme un lieu assez stérile, on se projette maintenant là où les données le permettent encore, c'est-à-dire où elles sont quasi inexistantes, c'est sur les exoplanètes. L'erreur, je pense, sur ces papiers, c'est d'avoir parlé de planètes en zone habitable, en anglais habitable zone planète, là où ça n'avait aucun lien avec le sujet. C'est d'autant plus surprenant que la publication, celle qui est aujourd'hui publiée dans la revue Nature Astronomy, donc ça fait partie du groupe Nature, et nous on a plusieurs fois travaillé avec Nature sur des papiers, notamment sur TRAPPIST-1, ils ne souhaitent plus normalement qu'on utilise le terme habitable pour parler des exoplanètes, ce qui est très raisonnable je trouve, parce que c'est un terme, on pourra y revenir, qui a du sens évidemment. Surtout pour bien nous. Sûr. Et là, ça n'avait rien à voir finalement avec l'intérêt de cet objet, et j'irais même jusqu'à dire que c'est en fait assez erroné et que cette planète elle est un peu trop chaude pour la zone habitable. On va y revenir et on va justement voir en quelle mesure finalement ça interroge ce qu'est la zone d'habitabilité, comment il faut le revoir et puis finalement ce que sont ces planètes et ce qu'il y a vraiment dans ces papiers et derrière cette découverte. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc de K2-18b, on remet tout à plat, on oublie, c'est la faute des journalistes, des scientifiques, des instituts de recherche, c'est la faute à tout le monde, mais nous sommes là, la méthode scientifique, bon pied, bon oeil, et on va repartir depuis le début. Qu'est-ce qu'il y a dans ce papier qui est finalement a été éclipsé par cet emballement médiatique, Franck Salcis? Qu'est-ce qu'il raconte de très intéressant sur ce qu'est-ce qu'il y a de si passionnant de cette exoplanète K2-18b? Alors, elle a plusieurs choses d'assez passionnantes. Comme on le disait au début, déjà, c'est une planète d'un type qu'on n'a pas dans le système solaire. C'est une planète qui fait entre 6 et 10 fois la masse de la Terre pour un rayon de 2,3 fois le rayon de la Terre. Donc, clairement, ce n'est pas une planète tellurique. Une planète qui aurait ce rayon-là et la composition de la Terre ferait entre 20 et 25 fois la masse de la Terre. Donc, elle est très peu dense. On sait que, du coup, qu'elle a une composante volatile, gazeuse, glacée, etc., importante. Donc on peut déjà en inférer que la dénomination, la caractérisation de super-Terre est abusive. Je pense que la dénomination de super-Terre est toujours abusive. On pourrait parler de mini-Neptune, ce qui serait un peu plus satisfaisant, mais néanmoins, non plus. Néanmoins, on est quand même, on a un manque de terminologie très clair. Bon, super-Terre, faut l'éviter parce que sinon, on va dire que c'est la planète de Superman, c'est pas trop l'intérêt ici. Puis c'est pas une planète tellurique a priori, par ailleurs. Non, elle est d'un type différent. Alors, ça peut être composé de beaucoup de choses, mais disons que quand on a une densité aussi faible, on sait qu'il y a une enveloppe fluide, on sait qu'il y a une atmosphère. Donc il n'y a pas de surprise, il y aura une atmosphère. Donc c'est une cible intéressante pour essayer de la détecter, de la caractériser. Autre aspect intéressant, c'est que le type d'étoile autour de laquelle elle se trouve, une étoile qui est vraiment d'un type très très commun, qui fait à peu près 40% de la masse et du rayon du Soleil, 3% de la luminosité du Soleil. Une naine rouge d'un type vraiment très commun. La majorité des étoiles ressemblent à ça dans la galaxie, on va dire. Et ça permet, je dirais, d'aller caractériser des atmosphères de planètes plus petites et plus froides que ce qu'on peut faire pour les étoiles de type solaire. On a déjà détecté de la vapeur d'eau sur des exoplanètes. On a déjà détecté de la vapeur d'eau dans des étoiles. La vapeur d'eau, c'est vraiment une des molécules les plus communes de l'univers. Il y en a dans les taches solaires même. Donc, en fait, dès lors qu'on a un objet qui a une atmosphère, qui n'est pas trop froid, contrairement à Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, qui sont froids, et donc l'eau est confinée très profondément à l'intérieur et on n'y a pas accès, on aimerait bien pour savoir de quoi c'est fait, mais on n'y a pas accès. Pour certaines exoplanètes, on peut voir la vapeur d'eau. Alors, on pourra revenir sur la méthode pour la voir, mais disons qu'on serait surpris s'il n'y en avait pas. indépendamment du fait qu'elle soit très chaude. Et donc là, ce qui était intéressant, c'est que la distance de cette étoile relativement proche, 110 années-lumière, là, il y a quand même environ 15 000 étoiles plus proches que ça, mais pour nous, on est très contents, c'est bien. Une planète qui transite, on y reviendra, donc qui passe devant le disque de son étoile tous les 33 jours, qui est sa période orbitale, son année. Et ça nous met dans des conditions où on peut éventuellement analyser la lumière qui est filtrée, qui est transmise par les limbes de l'atmosphère de cette planète. Et la première chose qu'on recherche, c'est la vapeur d'eau, parce que c'est une molécule qui absorbe un peu partout dans le spectre et qu'on s'attend à trouver. Donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait une autre planète qui avait des caractéristiques similaires, qui s'appelle Gliese 1214b, qui est encore mieux du point de vue de l'observation. Elle est encore plus accessible, on va dire, c'est une meilleure cible. Et elle a été observée à la recherche de vapeur d'eau. Et on n'a pas vu la vapeur d'eau. On ne pense pas que c'est parce qu'il n'y en a pas. On pense que c'est parce qu'il y a des nuages qui nous bouchent la vue. Des nuages pas chez nous, hein. Oui, bien sûr. Des nuages dans cette atmosphère-là. Donc on était très déçus et on se disait, oh là là, les nuages, ils vont nous pourrir nos observations sur toute une gamme d'exoplanètes. Et c'est sûrement vrai. Et celle-là, c'est surprenant parce qu'elle est même encore plus froide. L'autre était, mettons, à 600 Kelvin, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais 300 et quelques degrés. Celle-là, elle est à peu près, elle a la même insolation que la Terre, elle reçoit la même quantité d'énergie de son étoile que la Terre reçoit du Soleil. Donc elle est des températures vraiment basses par rapport à tout ce qu'on faisait avant. Et là, c'est-à-dire qu'on a une idée de la température moyenne de surface sur K2-18b? Alors déjà, il faudrait qu'il y ait une surface. Oui, c'est ça. On ne s'attend pas vraiment avec cette densité-là qu'il y ait une surface. On s'attend à passer continuellement d'une atmosphère à une enveloppe fluide très dense, qu'on appelle parfois supercritique, ce qui est le cas pour les planètes géantes du système solaire pour l'hydrogène. Mais alors Alain Lecavalier des Étangs, cette publication dans Nature Astronomy a de particulièrement intéressant? Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres, cette planète K2-18b qui a suscité autant d'enthousiasme? Oui, parce qu'il faudrait pas oublier, malgré les exagérations, que c'est une découverte extrêmement intéressante. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Exactement. Et c'est intéressant parce que c'est quand même l'observation de l'eau. Alors l'eau est commune, comme vient de le rappeler Franck Celsis, mais c'est l'observation de l'eau d'une petite planète. On avait déjà détecté de l'eau, alors dans de nombreux cas de planètes de type Jupiter, de masse similaire à la masse de Jupiter. On avait découvert il y a quelques années de l'eau dans une planète d'une masse assez proche de la masse de Neptune ou d'Uranus. Et là, on passe une gamme, on passe quand même à une masse qui vient d'être dédiée à peu près 6 à 8 fois la masse de la Terre. Donc on passe vraiment à un objet, des objets gros et géantes, à quelque chose qui n'est pas encore la taille des planètes telluriques du système solaire, mais qui est quand même plus proche. Donc c'est quand même intéressant de voir qu'on est capable de voir de l'eau dans ce type de planète. Et évidemment, ultimement, l'objectif, ce serait de découvrir de la présence de l'eau dans les planètes de type tellurique, alors cette fois-ci rocheuse, avec une surface. En quelque sorte, ici, c'est un pas de plus. Donc c'est un pas de plus dans une longue progression de la connaissance des exoplanètes et de leur atmosphère. Franck Celsis, il a été question, l'une des deux études évoque un cycle hydrique avec pluie, nuages. A priori, ça c'est une erreur. Oui, ça c'est une erreur qui a été repérée par tout le monde à peu près, qui nous fait penser que cette étude, elle a probablement été faite un peu vite en réaction à l'autre. Bien que ce soit les... C'est pas celle de Nature Astronomy, hein, le pré-papier d'archive. Et ce sont les auteurs qui ont obtenu le temps d'observation et qui se faisant un peu scouper, probablement sont allés un peu vite. Donc là, déjà moi, très sincèrement, j'étais étonné qu'on détecte de l'eau sur cette planète, tout simplement parce que les températures de cette planète sont froides. De l'eau liquide. Même de la vapeur d'eau. Parce que par exemple, sur Terre, qui a à peu près la même température que cette planète, la stratosphère est très pauvre en eau. À la surface, on a beaucoup d'eau, on a des abondances de vapeur d'eau importantes, mais il y a ce qu'on appelle un piège froid. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on monte dans l'atmosphère, on passe par des températures très basses, et donc au-dessus, on n'a que une molécule sur un million qui est de la vapeur d'eau. Donc on a une stratosphère très sèche. Ce qui nous permet, heureusement, nous, de faire des observations astronomiques pour peu qu'on monte assez haut sur une montagne. Voilà. Et donc... Parce que la vapeur d'eau, comme vous l'avez dit, elle absorbe dans toutes les gammes du spectre. Et donc, sur cet objet-là, et c'est d'ailleurs, je pense qu'il va falloir pousser l'analyse, parce que cette question n'a pas du tout été traitée par les observateurs jusqu'à présent, la vapeur d'eau doit condenser. Et certaines des valeurs avancées pour l'abondance de vapeur d'eau, en fait, ne sont pas physiques. Parce qu'on ne peut pas mettre plus de vapeur d'eau dans une atmosphère que ce qu'on appelle sa pression de vapeur saturante. Par exemple, à 0 degré Celsius, vous ne pouvez pas mettre plus que 6 millibars de vapeur d'eau. Et voilà. Et donc, la petite erreur qui a été faite dans l'étude américaine, c'est de superposer, en fait, ce qu'on appelle le profil thermique de l'atmosphère, c'est-à-dire comment la pression et la température varient avec l'altitude de l'atmosphère, avec un diagramme de phase de l'eau qui indique à quelle pression et température l'eau est solide, liquide, gazeuse. Sauf que dans un cas, on s'intéresse à une pression de vapeur d'eau, et dans l'autre cas, on s'intéresse à une pression totale d'hydrogène, d'hélium et de vapeur d'eau. Et donc, en fait, il faudrait bouger ce diagramme de phase d'un facteur 100, 10, 1000, qui dépend de l'abondance de vapeur d'eau. Et dès lors qu'on fait ça, on voit qu'en fait, s'il y a condensation, et il y a probablement condensation profondément dans cette planète-là, c'est comme c'est le cas probablement sur Jupiter, sur Saturne, sur Uranus, sur Neptune, c'est pas sûr, il y a peut-être de l'eau liquide. Ça nous donne une idée des températures très basses qu'il faut pour avoir dans ces enveloppes d'hydrogène de l'eau liquide. Et donc, en fait, a priori, on peut pas l'exclure. Mais disons que le raisonnement dans cette étude qui annonce qu'il doit y avoir des nuages de gouttelettes d'eau, il est pas correct. Ils ont confondu pression partielle et pression totale. Alain, le cavalier des étangs, vous confirmez? Oui, oui, évidemment. Et c'est évident qu'il y a une confusion. On peut peut-être revenir, oui, Franck Celsis l'a évoqué, la question de... Il y a deux publications séparées. Et en fait, donc c'est deux études différentes de la même observation. Alors c'est quand même intéressant parce que finalement c'est une détection qui n'est pas extrêmement difficile mais qui demande quand même une analyse relativement rigoureuse. Donc d'avoir deux équipes légèrement concurrentes qui produisent le même résultat, c'est toujours en science quelque chose d'extrêmement intéressant. Et puis ça permet aussi de commenter que finalement ces observations demandent beaucoup de temps. La planète, ça a été dit, tourne autour de son étoile en un peu plus de 30 jours. Mmh. Et donc, on utilise le fait que la planète passe devant l'étoile pour observer la lumière de l'étoile qui traverse l'atmosphère, en faire la spectroscopie pour en déterminer la présence de l'eau. Mais on ne peut pas le faire en une seule fois. Pour cette détection, il a fallu observer 8 passages de la planète devant son étoile. 8 passages, ça veut dire il y en a un tous les... Oui, c'est minimum 8 jours. Et en plus, c'est fait avec le télescope spatial Hubble qui ne peut pas toujours observer le jour où l'événement se produit. Et il a fallu en réalité 2 ans. Ça, les premières observations ont été réalisées en fin 2015 et les dernières en fin 2017. Donc il a fallu déjà 2 ans d'observation. Et ensuite, il faut un certain temps pour analyser les observations. Donc, il y a l'équipe qui a proposé ces observations, qui évidemment a un certain accès privilégié à ces données. Mais très rapidement, les données deviennent publiques. Et quiconque peut les télécharger, vous pouvez les télécharger aussi, c'est tout à fait possible. Et il y a donc une autre équipe qui a téléchargé ces données, qui les a analysées. Et donc, il y a eu une publication quasi simultanée des deux résultats. Et probablement que les observateurs qui ont programmé cette observation ont été un peu rapides, pris de court. Et ont voulu publier de manière simultanée avec les gens qui avaient fait une analyse parallèle. Ce qui est intéressant, même si on sort encore une fois maintenant, on l'a suffisamment évoqué de ce brouhaha médiatique, c'est que vous avez évoqué tout à l'heure, Franck Celsis, quelque chose d'intéressant, c'est cette notion de zone d'habitabilité. En fait, il faut parler effectivement d'insolation, mais quel est le niveau le degré d'information qu'on a aujourd'hui exactement autour de cette planète? Notamment, vous parliez de la pression atmosphérique. Aujourd'hui, on connaît l'état de la pression atmosphérique sur cette planète. Est-ce que on sait, par exemple, on connaît sa période, mais est-ce qu'on connaît sa rotation? Quel est le degré de détail qu'on a? Parce qu'on parle de la vapeur d'eau, mais sur les autres composantes d'atmosphère également. Donc il y a des choses qu'on mesure de façon assez fine, en particulier le rayon. C'est probablement la grande. Enfin, le rayon et la période orbitale sont les grandeurs les mieux définies. La masse, donc c'est une planète qui a été détectée par Kepler par ses transits. Donc on estime le rayon en supposant un rayon pour l'étoile qui est assez bien connu. La forme du transit nous aide aussi pour caractériser ça. Donc on a le rayon de la planète, on a sa période orbitale. La période orbitale, en ayant une estimation de la masse de l'étoile, qui est aussi assez bonne, avec les lois de Kepler, ça nous donne la distance de la planète à l'étoile, et on déduit l'insolation. Et par ailleurs, on a une estimation donc, de la masse entre 6 et 10 masses. et 10 masses terrestres. Ce qui est un delta assez grand quand même. Ah, pour la masse, oui. C'est un delta assez grand, mais ça la ramène quand même dans une... On a quand même besoin, quand on essaie d'expliquer ça par une structure interne, on a quand même besoin d'un volatile, d'un fluide, qui peut être l'eau, qui peut être l'hydrogène, qui peut être les deux. On a besoin d'avoir des glaces et une enveloppe. Donc voilà, et à partir de la distance et de la luminosité de l'étoile, on a une idée de l'insolation. Et cette planète reçoit à peu près, aux incertitudes près, la même insolation, alors il faudrait dire installation peut-être pour les étoiles, insolation pour le Soleil, l'installation de cette planète c'est à peu près la même que l'insolation terrestre. Donc on aurait peut-être tendance à dire, les conditions seront les mêmes. Alors plusieurs choses, vous me demandiez quelle est la pression sur cette planète, eh bien... C'est difficile, la pression, elle commence à zéro en haut de l'atmosphère, et elle descend. Et si on est comme sur Neptune, Uranus, etc., on va atteindre des valeurs énormes et entrer dans des états de la matière, après, qui dépassent les conditions qu'on a ici, on va avoir de l'hydrogène métallique ou des choses comme ça. Et on peut même avoir des glaces, on peut avoir des glaces d'eau, mais qui ne sont pas du tout la même glace qu'on a ici. Il y a une dizaine de types de glaces différents. Il y a des formes ioniques, il y a des formes dégénérées. On va dans des intérieurs planétaires un peu exotiques. Mais moi, je penserais, a priori, je ne m'attendrais pas à ce qu'il y ait une transition de type surface. On ne peut pas exclure qu'il y ait, par exemple, un océan. Non, je pense que... Il faut caractériser ça différemment parce que ça ne correspond pas à des réalités que l'on a aujourd'hui. Moi, je pense qu'on est dans un cas d'une intermédiaire entre une planète tellurique et une planète géante. Et on est probablement assez proche d'Uranus et Neptune. Mais simplement, nous, on appelle ça des géantes glacées. Parce qu'elles sont froides. Mais si on prenait Neptune et qu'on le rapprochait et qu'on le mettait à peu près à l'insolation terrestre, on aurait probablement un type d'objet assez similaire, plus gros quand même, que celui qu'on voit autour de K2-18. Donc c'est un type d'objet vraiment intéressant, mais qui sort du cadre dans lequel on parle de zone habitable, qui est d'ailleurs un terme qu'on ne devrait pas employer, en fait, quand on communique avec le grand public, qui est un jargon, et, j'allais dire d'astrophysiciens, mais même d'une petite partie des astrophysiciens qui, en particulier, s'intéressent au climat et aux atmosphères des planètes telluriques et d'abord ont essayé de comprendre la différence entre Vénus et la Terre, d'essayer de voir si Mars avait pu avoir dans son passé de l'eau liquide. On voit des traces d'eau liquide, est-ce que ça pouvait être un climat chaud et pérenne? Et puis de se dire où est-ce qu'on peut trouver des planètes où il ne serait pas interdit d'avoir de l'eau liquide en surface. Et d'un point de vue climatique, c'est vraiment des régimes climatiques intéressants, les régimes qui sont en équilibre avec si vous voulez, des océans, des mers, des rivières. Et donc, en fait, quand on parle de zone habitable, il faut plus imaginer qu'on est en train de hachurer, de barrer ce qui n'est pas dedans, et de dire, si on est trop près de l'étoile, on ne pense pas qu'on puisse avoir de l'eau liquide. Si on est trop loin, on ne pense pas non plus, en tout cas pas en surface, peut-être dans des océans internes, mais pas en surface. Mais ce n'est pas parce qu'on trouve une planète dans cette zone où ça n'est pas interdit qu'elle va avoir de l'eau, qu'elle va avoir les bonnes conditions. Et sinon, vous m'avez parlé de rotation. C'est quelque chose qu'on ne sait quasiment pas observer, à part dans quelques cas, notamment une planète qui est très chère au cœur d'Alain. Il en parlera peut-être plus tard. Mais sinon, déduit la rotation de modèles théoriques. Et voilà. J'ai lu que la proximité de l'étoile de K2-18 pouvait inférer que la rotation de la planète serait calée en fait en résonance sur celle de l'étoile. Alain Le Cavalier, des étangs. Pour cette planète et celle qui tourne en tout cas plus proche de leur étoile, il y a les effets des forces de marée, comme la Lune chez nous. La Lune qui vous montre toujours la même face, non pas parce qu'elle ne tourne pas sur elle-même, mais parce qu'elle tourne sur elle-même à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre, de sorte qu'elle vous montre toujours la même face, et c'est lié aux forces de marée qui ont ralenti la Lune au point qu'elle tourne très lentement sur elle-même. Eh bien, les planètes qui tournent autour d'étoiles très proches de leur étoile, c'est le même phénomène, et donc il y a un phénomène de synchronisation, et celle-ci est dans la limite, elle peut éventuellement toujours montrer la même face, mais on est dans la zone limite. Peut-être que Franck souhaite... Mais on va y revenir, et puis il y a plein d'autres choses qu'on va aborder, et puis ne serait-ce que savoir comprendre comment on a pu observer cette atmosphère, et comment on va pouvoir en observer de plus en plus. Children born to get high, turn your heads to the sky. We're burning in the heat below. With a thorn in the side, and the ocean too wide, and the avenues so long. Les Mark Lanegan, la belle voix de Mark Lanegan, Looking for the Rain, on recherche la pluie. C'est ce qu'on essaie de faire quand on essaie de trouver des liens avec la mission du jour. Quand on cherche la vapeur d'eau dans l'atmosphère des planètes, c'est ce que nous avons essayé de traiter aujourd'hui autour de cette planète qui a déclenché tant de passions, K2-18b. Nous en parlons avec Franck Celsis, qui est directeur de recherche CNRS au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, et avec Alain Lecavalier des Étangs, qui est directeur de recherche CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris. Alors, ces observations, on ne l'a pas vraiment encore mentionné, mais ce qui est intéressant, c'est que ces observations de l'atmosphère de K2-18b ont pu être faites en poussant à leurs limites les instruments d'observation dont nous disposons aujourd'hui. Mais la nouvelle génération va bientôt arriver. Elle est là, elle est presque là. Elle est en train d'être peaufinée dans les laboratoires. Et notamment, avec cette nouvelle génération, des promesses d'observation plus nombreuses, plus fines, plus précises. Un télescope spatial de l'ESA va être lancé en 2018. Il doit être lancé en 2018, Antoine Beauchamp. Et vous êtes allé d'ailleurs voir... Fin 2028, pardon. Je parle de Ariel. 2028. C'est moi qui me suis... Mais c'est bien écrit 2028 sur mon papier, vous faites bien de me reprendre. Donc je disais à mon camarade Antoine Beauchamp que vous êtes allé voir Antoine, l'un des responsables de ce projet de télescope Ariel. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, il s'agit de Jean-Philippe Beaulieu, qui est directeur de recherche CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris et qui est l'un des responsables français de la conception de ce télescope spatial Ariel. Ce télescope spatial va sonder les atmosphères de 1000 exoplanètes, que ce soit des géantes gazeuses ou des planètes rocheuses. Jean-Philippe Beaulieu nous explique comment sera conçu ce télescope et pourquoi le spectromètre embarqué à bord d'Ariel nous permettra d'avoir un portrait encore plus fin des atmosphères exoplanétaires. Dans un premier temps, on a découvert de la vapeur d'eau dans une planète chaude, ce qu'on appelle un Jupiter chaud, donc ça c'était en 2007. Et ensuite, les études se sont développées, on a découvert ensuite du méthane, du CO2, du CO. Mais il faut savoir que c'est une mesure qui est extrêmement difficile à réaliser. Dans un premier temps, on utilisait le télescope spatial Hubble et le télescope spatial Spitzer. Et ce sont les machines que l'on peut toujours utiliser d'ailleurs à ce jour. Et il était important de passer à une nouvelle étape, à savoir d'avoir quelque chose qui est vraiment optimisé pour faire ces mesures. Comme les mesures sont très difficiles, il faut quelque chose de parfaitement adapté pour les faire. Vous n'allez pas faire le Paris-Dakar avec une Formule 1. Voilà. Donc en fait, on fabrique une machine qui est la machine parfaite pour les atmosphères de planètes, et cette machine s'appelle Ariel. Donc Ariel a été sélectionné par l'Agence spatiale européenne en 2018. C'est un télescope spatial de 1 mètre avec un spectrographe à bord qui permet de couvrir de 0,5 microns à 8 microns, c'est-à-dire du domaine visible à l'infrarouge. C'est un instrument extrêmement stable, c'est-à-dire l'instrument est aussi, on va dire, aussi stable qu'un caillou. Comme la mesure est très difficile à réaliser, on essaye d'avoir un instrument qui est le plus stable possible pour effectuer ces mesures très fines. La France fabrique le spectrographe qui va aller de 2 à 8 microns et puis donc est engagée très fortement depuis le début dans ce projet. Alors qu'est-ce qui fera qu'on pourra par exemple sur une exoplanète comme K2-18b cerner encore mieux et identifier encore mieux les composantes de son atmosphère? Voilà, K2-18b est exactement le genre de planète que l'on veut étudier dans le détail. Donc c'est une planète dans laquelle là on vient de découvrir des molécules, donc la présence de vapeur d'eau. Et l'avantage avec Ariel, c'est que donc on va pouvoir couvrir une plage de longueur d'onde beaucoup plus grande et arriver à aller plus loin dans l'interprétation du spectre de la planète. Est-ce que vous pourriez me le décrire un petit peu? Je crois que vous avez prévu quelques images de ce satellite, de ce télescope-là. Est-ce qu'on pourrait le voir? Est-ce que vous pourriez me le montrer? Donc, à quoi ressemble Ariel? Vous pouvez imaginer donc qu'il y a une espèce de boîte cylindrique dans lequel il y a ce que l'on appelle le payload module, c'est-à-dire tous les instruments pour pouvoir communiquer avec la Terre, maintenir la stabilité du télescope. Dessus, il y a ensuite trois boucliers thermiques qui permettent en fait de protéger le télescope qui va être posé dessus. Le télescope est posé en fait horizontalement sur ces trois boucliers thermiques, ce que l'on veut absolument se protéger le plus possible des rayons du Soleil. C'est-à-dire que passivement, c'est-à-dire sans frigo, sans rien, on devrait arriver à descendre à 45 degrés Kelvin pour le télescope. Et après, on a les instruments qui sont pour ce télescope, qui eux sont, on va avoir un petit frigo justement pour pouvoir réduire un peu plus en température pour que les instruments fonctionnent correctement. Alors, il y a déjà pas mal de télescopes qui observent actuellement les exoplanètes. Quelle est la plus-value dans ce cadre-là d'un télescope comme Ariel? Et quel type de données vous allez recevoir supplémentaires? Alors, il faut savoir, aujourd'hui, en 10 ans, on a observé une vingtaine de planètes avec le télescope spatial Hubble principalement. Ensuite, il y a le James Webb qui va être lancé. Donc, c'est un monstre, un télescope de 6 mètres 50, mais qui va observer, qui est donc une machine très efficace, optimisée pour la cosmologie, mais qui va aussi obtenir des bons résultats sur les exoplanètes. On va pouvoir observer quelques planètes avec le James Webb. Soit on essaye d'obtenir regarder des planètes diverses. Donc, on va observer peut-être une vingtaine. Soit on essaye de faire des observations très spécifiques sur quelques planètes en allant très profondément. Ariel, ce qui est différent, c'est qu'Ariel va observer 1000 planètes. Il est optimisé pour faire un grand relevé, donc on va observer 1000 planètes, et c'est vraiment le moyen pour commencer à étudier les planètes dans leur ensemble. C'est-à-dire comme ça, on va pouvoir vraiment avoir un échantillon avec des planètes de tout type de masse autour d'étoiles de tout type, pour pouvoir justement étudier les exoplanètes dans leur ensemble. Ça va fournir vraiment une pierre de rosette pour essayer de comprendre les atmosphères des planètes. Sur K2-18b, par exemple, si on prend les observations actuelles, qu'est-ce qu'on peut découvrir de plus grâce à Ariel? Alors là, il va falloir quand même qu'on fasse quelques calculs, puisque là, la planète vient juste d'être découverte. Donc maintenant, ça, c'est quelque chose que justement nous allons faire la semaine prochaine avec deux des auteurs de ce papier. Nous allons justement attaquer cette planète pour voir comment on peut aller plus loin avec les observations Ariel. Donc là, il va falloir quantifier ça proprement avec des calculs. Mais ce qui est clair, la présence d'eau dans cette planète, nous, avec Ariel, on peut la confirmer de manière extrêmement simple, mais on va pouvoir trouver d'autres molécules. Est-ce qu'il y a par exemple un peu de CO, de méthane, de l'ammoniac? Voilà, donc ça c'est le genre de choses que nous pourrons tester facilement avec Ariel. Voilà Ariel, ce télescope spatial de l'ESA qui doit bien être lancé en 2028. Pour repréciser la date, pour le moment, c'est la date qui est annoncée. Une réaction peut-être l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre et à Alain Le Cahier des Étangs? Oui, alors c'est vrai que Ariel va permettre de regarder énormément de planètes, et c'est surtout que avant Ariel, on va avoir aussi des instruments qui vont détecter de nouvelles planètes qui transitent. Parce que c'est peut-être bien de rappeler aussi la technique de détection, de caractérisation de ces atmosphères. Je vous en prie. On observe les planètes qui passent devant leur étoile, et on les observe au moment où la planète est devant l'étoile, et quand elle est devant l'étoile, l'étoile est un peu moins brillante, parce que la planète cache un peu la lumière de l'étoile. Mais il y a une toute petite partie de la lumière de l'étoile qui traverse les couches atmosphériques. C'est l'ordre de 0,01% de cette lumière, hein, donc c'est très très très très peu. Mais si on en fait l'analyse en décomposant en fonction de la longueur d'onde, donc en faisant la spectroscopie, on peut voir la signature de la présence de cette atmosphère qui a imprimé sa signature dans la lumière qui nous parvient. Et donc, pour faire ces observations, il faut connaître des planètes qui passent devant leur étoile. Et ce sera l'objectif de nombreuses missions. Alors, il y a eu la mission Kepler, la deuxième version K2. En fait, c'est la deuxième version de la mission Kepler. La seconde mission, et Kepler a été un peu récupérée grâce au vent solaire. On en a parlé ici, on va vous remettre le lien sur le fil Twitter. Mais effectivement, c'est cette deuxième mission. Mais il y a actuellement la mission de la NASA TESS, et il y aura la mission européenne Plateau, qui vont découvrir aussi de très nombreuses planètes qui transitent devant leur étoile. Et Plateau, entre autres, découvrira des planètes qui transitent devant des étoiles brillantes. Et comme on vient de voir avec la technique, plus l'étoile est brillante, plus il y a de lumière qui traverse l'atmosphère, et plus c'est facile de caractériser cette atmosphère. Et donc, Ariel arrivera à un moment où ça sera extrêmement intéressant d'observer un très grand nombre de planètes. Franck Celsis. Oui, alors, tout à fait. Peut-être une autre façon de... parce que c'est pas une technique évidente, peut-être une autre façon de dire ça, cette méthode. Imaginez que votre planète justement n'a pas d'atmosphère, que c'est une sphère dure et elle passe devant l'étoile et donc elle fait diminuer l'éclat de l'étoile, mettons de 1% à chacun des passages. Et si vous l'observez dans l'UV, dans le visible, dans l'infrarouge, elle aura toujours ce même diamètre apparent, elle aura toujours cette baisse de 1%. Si maintenant elle a une atmosphère avec des molécules qui absorbent, si vous observez une longueur d'onde où cette molécule absorbe, eh bien la planète va paraître un peu plus grosse, parce que les couches atmosphériques hautes vont couper, je dirais, vont projeter leur ombre sur l'étoile. Si au contraire, vous observez dans une fenêtre atmosphérique où il n'y a pas beaucoup de molécules qui absorbent, la planète va paraître un peu plus petite. Donc on fait un spectre du rayon apparent de la planète en fonction de la longueur d'onde, et ce spectre, effectivement, comme l'a dit Alain, il est structuré par les molécules qui l'absorbent. Ce qui est très frustrant aujourd'hui, c'est qu'on le fait sur un tout petit intervalle spectral. La caméra grand champ numéro 3 qui a été de Hubble qui a été utilisée pour K2-18b, elle observe, mettons, de 1.2 à 1.7 microns. C'est pas mal, parce qu'on a au moins on a une signature de l'eau, on peut avoir une signature de CO dans d'autres cas. Comme l'a dit Jean-Philippe Beaulieu, là on va observer depuis le visible jusqu'à l'infrarouge thermique vers 8 microns. Et là, on va accumuler une quantité d'informations. Aujourd'hui, ce qui est très difficile, c'est de partir d'un spectre et ce qu'on appelle inverser ce spectre en termes de propriétés atmosphériques. C'est-à-dire partir de ce spectre qui a ses incertitudes, ses erreurs, etc. Et de dire, on a telle caractéristique, on a telle température, tel poids moléculaire moyen, c'est-à-dire est-ce que l'atmosphère est légère comme de l'hydrogène ou un peu plus lourde, comme si elle était dominée par l'eau ou par un composé plus lourd, et quelle signature on va avoir. Et ça fait beaucoup de paramètres pour finalement des spectres assez peu résolus aujourd'hui. Donc que ce soit James Webb en recueillant beaucoup de photons, ou Ariel en recueillant pas forcément beaucoup, mais en pouvant passer tout son temps à le faire et en intégrant sur un spectre très vaste, on va accumuler les observations. Et donc nous, ce qu'on fait par exemple à Bordeaux, c'est effectivement travailler sur les outils pour faire cette inversion. Donc en fait, on simule des exoplanètes, on fait comme les modèles de météo terrestre, on fait des modélisations 3D d'atmosphère, qui valent ce qu'elles valent, mais qui sont assez sophistiquées. On les fait passer devant une étoile virtuelle, et on produit une observation virtuelle. Et on applique ces techniques d'inversion assez complexes, on regarde, puisque nous on sait ce qu'on a mis dans notre atmosphère, on regarde à quel point cette inversion marche. Et elle marche parfois bien, mais elle peut être très problématique, et on est en train d'essayer justement de contourner ces problèmes, et notamment... Problématique à quels endroits par exemple ? Eh bien, la spectroscopie des planètes du système solaire, elle marche assez bien, parce qu'en fait il se trouve que dans le système solaire, on a des planètes très uniformes. Vénus, la Terre, Mars, bien sûr à notre échelle on dirait qu'il y a des inhomogénéités, mais globalement il fait la même température du côté jour, du côté nuit, la même composition à peu près partout, et c'est vrai pour toutes les planètes du système solaire. Quand on va vers des objets plus chauds, des planètes plus chaudes, qui sont les cibles principales pour commencer à faire ça avec James Webb et Ariel, on peut avoir des grandes inhomogénéités de température et même de composition entre le côté jour et le côté nuit. Et quand on fait cette observation de transit, on sonde ce qu'on appelle le terminateur. Le terminateur, c'est-à-dire cette limite entre le jour et la nuit où justement les conditions passent des conditions de nuit aux conditions de jour. Vous imaginez l'atmosphère qui circule de façon très violente, il y a des vents extrêmement forts. Et on saisit en fait une petite tranche de cette atmosphère, en fait qui n'est pas si petite, et qui va mélanger différentes conditions. Et lors de cette inversion, on se retrouve justement avec des problématiques qu'il faut arriver maintenant à résoudre, puisque un des objectifs, c'est d'arriver, à partir des molécules observées, de remonter à la composition élémentaire. C'est-à-dire, est-ce que ces planètes ont la même composition en carbone, oxygène, azote que leur étoile? Est-ce qu'elles sont très enrichies? Est-ce que ces rapports sont différents? Pour essayer de remonter aux mécanismes de formation et d'évolution. Ce qui est intéressant, j'aimerais qu'on dise un mot de cela, parce que je voulais qu'on parle du James Webb Télescope, mais on aura le temps d'en reparler, ou ce sera l'objet d'une autre émission, c'est de parler de justement de ces fameuses planètes comme K2-18b, qui sont ces planètes intermédiaires qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce que l'observation de K2-18b peut nous dire ou peut nous apprendre finalement sur sur ces planètes qui sont aussi courantes, sur ces exoplanètes qui sont si courantes dans les observations et sur les 4000 et quelques exoplanètes qu'on connaît, qu'on n'observe malgré tout pas dans notre système solaire, Alain Le Cavalier des Étangs? Eh ben, ça a été dit tout à l'heure, en fait, si on fait la liste de choses qu'on connaît de manière certaine, la liste est relativement courte. Mais le scientifique ne s'arrête pas là. À partir de cette liste très courte, le rayon de la planète, la masse, sa distance à son étoile, l'insolation, des choses comme ça, on peut aller plus loin justement en ayant quelques observations complémentaires, comme la détection de l'eau, et on peut faire de la modélisation pour comprendre qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est raisonnablement possible d'exister, qu'est-ce qui n'est pas possible d'exister. Et donc on fait un tri avec le peu de données dont on dispose entre ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et c'est exactement le travail qui vient d'être décrit. On peut le réaliser pour K2-18b, mais on peut le réaliser pour d'autres planètes, éventuellement des planètes géantes, et évidemment pour les planètes plus petites, des planètes terrestres, et essayer d'imaginer quelles peuvent être les natures de ces planètes et quelles sont les conditions qui règnent à la surface. Est-ce que ces conditions sont favorables aux conditions qui nous semblent être favorables à l'apparition de la vie, des choses comme ça. Franck Celsis ? Oui, alors, disons que ce qu'on pourrait dire, c'est que quand on regarde le système solaire, et avant de connaître les systèmes exoplanétaires, on voit cette dichotomie très marquée entre les telluriques et les géantes, à la fois en termes de masse, de rayons et donc de densité, mais aussi en termes de distance orbitale. Quand on regarde la population des exoplanètes, cette dichotomie, on ne la voit pas. On voit tous les intermédiaires entre ces types de planètes qui nous semblaient vraiment génétiquement complètement différents. Mais peut-être parce que les planètes telluriques de la taille de la Terre ou Mars sont trop petites aujourd'hui pour réussir Bien sûr, on ne voit pas encore toutes les petites. Mais par contre, on sait que ces intermédiaires existent. Alors là, avec K2-18, on est encore, moi j'ai l'impression, sur un cas qui va vers les planètes à enveloppe d'hydrogène et d'hélium, type mini-Neptune, ça me choque pas trop de dire ça pour K2-18, on peut se tromper. Neptune chaude. Voilà, Neptune... Tiède. Tiède. Neptune tiède. Neptune tiède. Par contre, il y a vraiment une gamme de masse et de rayons où là, on serait bien embêté de dire de quoi c'est fait, et ce sera vers une fois et demie le rayon terrestre. Et là, on aura sûrement des cas très dégénérés, c'est-à-dire des cas que l'on peut expliquer par une grande variété de compositions, en jouant avec la quantité de fer, la quantité de roche, de glace, d'eau et d'hydrogène. On ne sait pas déterminer ça. Donc là, l'observation de l'atmosphère sera absolument essentielle pour faire la part des choses. Et là, on va vraiment entrer dans un régime, je pense, où là, notre taxonomie, notre expérience est vraiment insuffisante. On a tout à apprendre sur les atmosphères d'exoplanètes. Et jusqu'où les nouveaux outils comme Ariel ou le James Webb Télescope peuvent aller dans le détail, c'est-à-dire que jusqu'à quel type de gamme ils peuvent nous renseigner, c'est-à-dire qu'on peut avoir, parce que pour le moment on détecte des molécules assez grosses, jusqu'à quel type de signature, voire de biosignature, on va pouvoir aller Alors, les étangs. Les molécules qu'on va détecter sont évidemment les premières, ce sont les molécules les plus simples, hein, c'est-à-dire donc H2O, CO2, CO, HCN éventuellement, des choses comme ça. CH4. CH4. Voilà. et c'est normal parce que... Le méthane, pardon, pour les... Parce que nous, oui, voilà. et c'est normal parce que au fond, ce sont les molécules qui seront les plus abondantes. C'est celle dont on connaît bien la signature et qu'on pourra interpréter de manière évidente. Après, pour aller à des signatures plus complexes, on peut penser par exemple aux acides aminés, des choses comme ça, il faudra des observations beaucoup, beaucoup plus détaillées. Et donc, c'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Mais par exemple, on pourra détecter de l'ozone, de l'oxygène, des choses comme ça? Oui, l'ozone a une signature dans l'infrarouge moyen, donc on peut imaginer le détecter. Même l'oxygène, la molécule O2, a une signature. Le dioxygène a une signature dans le rouge proche infrarouge et on peut imaginer de détecter, mais pour qu'il y ait une présence de dioxygène, il faut quelque chose qui alimente cette molécule extrêmement fragile. Et si un jour on détecte cette molécule très fragile, ça sera l'ouverture d'un nouveau débat et probablement beaucoup de communication auprès de collègues de France Inter. Beaucoup de gros titres à venir. Oui. Mais attention, évidemment, si on détectait une planète tellurique avec une couche d'ozone, ce qui impliquerait qu'il y ait une atmosphère riche en oxygène ou directement l'oxygène, ce serait effectivement une VIP, une Very Interesting Planet. Ce serait un cas très intéressant. Mais à aucun moment, à ce stade, il faudrait parler de biosignature, ce qui nous amènerait à devoir postuler la présence de vie, ça peut pas être sur la simple détection de molécules aussi simples. De l'oxygène, de l'ozone, il y en a aussi sur Mars, il y en a dans l'atmosphère des lunes glacées, il y en a sur Vénus, mais par contre, on pourrait trouver des atmosphères effectivement qui défient un peu notre compréhension. Mais pour pouvoir défier notre compréhension, il faut déjà qu'on connaisse un petit peu les atmosphères planétaires, et en particulier pour les planètes telluriques, tout ce qu'on sait vient de l'étude de Vénus, de Mars, de la Terre, auquel on peut ajouter Titan, qui est très intéressant. Dans un instantané d'un âge de 4,5 milliards d'années, je suis incapable de vous dire de quoi était faite l'atmosphère de la Terre il y a 3 milliards d'années, celle de Vénus, ou celle de Mars, ou celle de Titan. Et donc, on est complètement... Titan, le satellite de Saturne. Voilà, la lune de Saturne. Donc, on est complètement ignare sur... les atmosphères de planètes telluriques. Les géantes, on peut imaginer des choses assez simples. Donc, avant de pouvoir distinguer une planète qui défie notre compréhension de leur genèse, de leur formation, de leur évolution, vous imaginez le travail en termes d'accumulation d'observations sur des exoplanètes. Donc, c'est pas avec le James Webb, c'est pas avec Ariel, c'est même pas avec la génération suivante d'instruments, c'est dans des décennies, d'accord, qu'on pourrait avoir un consensus scientifique sur une composition d'atmosphère qui impliquerait de façon non ambiguë la présence de façon non ambiguë, bien sûr. Donc il faudrait définir c'est quoi la vie. Et même il faudrait définir c'est quoi la vie. Et je crois que même là, ça serait un autre débat. À 16h57, on ne va pas rentrer là-dedans parce qu'on ne va pas avoir le temps. Voilà. mais c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on va avoir des indices. Oublions le terme de biosignature pour l'instant. On peut éventuellement, pourquoi pas, trouver une planète vraiment qui aurait des similitudes avec la Terre et qui nous intéresse, mais on pourrait que spéculer. Il faut faire aussi très attention avec une chose, on a des collègues notamment américains qui pour pouvoir avoir le financement pour des grosses missions vont dire donnez-nous les moyens et je vous trouve de la vie dans les 20 années à venir. Et ça pour moi c'est une faute scientifique. Pourquoi ? Parce que trouver de la vie ailleurs, ça dépend pas que de notre technologie, ça dépend aussi de la distribution effective de la vie dans l'univers. Et on ne sait pas si la vie dans l'univers, elle est commune au point de peupler les planètes autour des nôtres, et donc d'être à portée de télescope, ou si elle est rare au point qu'il faille la chercher dans une autre galaxie. Entre les deux, tout est possible. Donc ce n'est pas qu'une question de technologie. On est des explorateurs pour l'instant, et voilà. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Voilà, n'en déplaise aux amateurs de science-fiction et aux amateurs de gros titres. La vie... des biosignatures sur une exoplanète, c'est pas pour tout de suite. Merci beaucoup Franck Celsis, merci Alain Le Cavalier des Étangs. Un mot sur cette campagne, parce que les exoplanètes, on aime ça beaucoup, et quand on a des noms avec des lettres et des chiffres, c'est pas terrible, vaut mieux leur donner des vrais noms. Oui, j'en profite pour faire une publicité, parce que vos auditeurs vont pouvoir proposer un nom pour l'exoplanète HD8574B, et ils peuvent se connecter sur le site internet nommerunexoplanète.fr, avec nommer avec un Z, N-O-2-M-E-Z, On va vous mettre le lien sur Twitter. Et vous pourrez proposer un nom pour cette planète et ses étoiles. Et vous avez jusqu'à encore quelques jours pour proposer un nom pour ce système planétaire. On vous met le lien tout de suite sur le fil Twitter. J'ai juste le temps de vous dire que c'était Pascal Baudin à la technique et que demain, nous parlerons de nanotubes de carbone. Rendez-vous demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.